إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours 50 dans la lecture de Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Et hier on expliquait le chapitre au sujet de Qadf al-Muhsanat, hein, le fait d'accuser ou de lancer des accusations contre les femmes chastes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par exemple, d'accuser quelqu'un, une femme, d'avoir fait l'adultère ou d'avoir fait la fornication, ou bien d'accuser un homme d'avoir fait également l'adultère ou la fornication ou la sodomie ou des choses de ce genre. Et donc on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran que ceux qui lancent des fausses accusations, ceux qui lancent des fausses accusations ou qui lancent des accusations sans pouvoir produire quatre témoins, que yani, ils doivent avoir une punition dans la charia. Ils doivent avoir une punition dans la charia, et la punition c'est qu'ils doivent recevoir 80 coups de fouet. Ça c'est la peine pour avoir lancé des fausses accusations et d'avoir accusé quelqu'un sans produire des témoins. Et ça, c'est un point qui est important dans la charia de l'islam. Et il est mentionné dans Surat An-Nur, le verset 4. Dans le verset 4 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc, ceux qui ont lancé des accusations contre les femmes chastes ou contre des hommes chastes, hein, et qu'ils les accusent d'avoir fait le zina, eh bien, ils auront une punition dans la charia pour ça. Hein, et ça, c'est bien entendu des peines, comme toutes les peines dans l'islam, ils s'appliquent, hein, dans les pays musulmans et sont appliquées par les autorités, par les responsables du pays, hein, ceux qui sont, c'est-à-dire après avoir été jugés et après avoir été condamnés, donc les personnes en question vont être punies par l'État. Hein. C'est le dirigeant qui est responsable de l'application de ces peines-là dans un pays musulman. Et même si dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui, ces choses-là sont peut-être pas appliquées, mais c'est une responsabilité et c'est un devoir des différents pays musulmans de faire en sorte que ces règles-là soient appliquées, parce que c'est des règles qui font partie de l'islam et que Allah subhanahu wa ta'ala les a révélées avec sa miséricorde et sa sagesse pour que les hommes soient, hein, dans le bien et qu'ils soient préservés dans leur réputation, dans leurs honneurs. Et ça, cette punition-là, c'est pour préserver l'honneur des gens, pour pas que la turpitude et les péchés soient propagé dans la société. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, il vient puis il accuse quelqu'un d'avoir commis l'adultère ou d'avoir fait la fornication, puis qu'il ne peut pas amener des témoins, dans ce cas-là, il ne doit pas accuser la personne. Si il vient puis il dit par exemple, j'ai vu la personne faire la fornication. Hein? J'ai vu la personne faire la fornication, ou j'ai vu la personne faire le zina, ou j'ai vu la personne faire la sodomie. Elle doit ramener 4 témoins. Si elle est toute seule, puis qu'elle va dire, lui il a fait ça, c'est lui qui va être puni. S'ils sont 2 témoins, c'est eux qui vont être punis. S'ils sont 3 témoins, c'est eux qui vont être punis. C'est seulement s'ils sont 4 témoins que ça va être accepté leur témoignage. D'accord? Et c'est comme je disais hier, c'est pas suffisant qu'ils les aient vus ensemble dans un endroit fermé, isolé, ou qu'ils étaient ensemble sous les couvertures, hein, et qu'ils étaient dénudés. Il faut qu'on ait vu en train de faire l'acte et que la pénétration ait été constatée avec les yeux. Hein? C'est pas juste, tu dis, ah, j'ai vu cet homme-là avec cette femme, ils étaient ensemble, ils étaient dans une pièce fermée et qu'ils étaient sous la couverture. Ça, c'est pas suffisant. Et le frère, il posait la question hier à propos des... Oui, il posait la question hier, si on les a filmés, puis que c'est enregistré dans une caméra ou vidéo, des choses comme ça, est-ce que ça compte pour établir le châtiment? Non, ça compte pas. Même si on les a filmés, ça compte pas. En train de faire l'acte, ça compte pas. Dans la charia, on tient pas compte de ça pour établir la peine de zina. Il faut que ce soit des témoins vivants, réels, qui aient vu l'acte. On sait que, surtout à notre époque, ils sont capables de trafiquer les films, trafiquer les vidéos, faire des arrangements, faire des modifications là-dedans. Donc ça, c'est pas un moyen qui est accepté pour établir ce genre de choses. Puis en même temps aussi, c'est quelque chose qui fait qui est de la propagation de la turpitude. Et la question a été posée au comité de fatwa des ulama du royaume de l'Arabie Saoudite à ce sujet-là. Et les ulama ont répondu à cette question. Et on leur a demandé, est-ce que, par exemple, si on n'a pas pu avoir 4 témoins, puis que, yani, on accuse quelqu'un de zina, ok, est-ce qu'on peut affirmer le crime devant le tribunal islamique en se basant sur des témoins naturels ou bien sur l'ADN ou bien sur les empreintes digitales ou des choses comme ça ou bien des témoins circonstanciels pour faire en sorte que la personne soit accusée? Et est-ce que la personne qui accuse, dans ce cas-là, est-ce qu'elle va être punie d'avoir lancé une accusation? Hein, et est-ce qu'elle va recevoir 80 coups de fouet dans ce cas-là? Et le cheikh, il a répondu, et les machaikh, le responsable, de celui qui a répondu à l'époque, le président du comité permanent de la fatwa à cette époque, c'était Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, ainsi que son adjoint, c'était Abdelrazzaq Afifi, Cheikh Abdelrazzaq Afifi, et les deux membres qui étaient présents à ce moment-là, c'était Cheikh Abdullah Al-Hudayyan et Abdullah Ibn Qu'oud. Donc les deux, tous ces machaikhs, ils ont répondu au sujet de cette question et ils ont dit que on peut pas affirmer le zina par les moyens qui ont été mentionnés, ni par l'ADN, ni par les empreintes digitales, ni par les témoins circonstanciels ou les preuves circonstancielles ou des choses comme ça. Il faut réellement que yani, il y ait des 4 témoins. Il dit, la seule chose que ces éléments-là peuvent prouver, c'est qu'il y a eu une rencontre et qu'il y a eu un contact quelconque, mais ça peut pas affirmer réellement la chose. Et puis en même temps, ça peut pas... Ça ne fait que ramener des doutes et des suspicions, et mais ça n'affirme pas que le crime a été établi, et ça n'enlève pas non plus le fait d'appliquer la peine l'accusation de la personne qui a accusé cette personne-là d'avoir fait le zina, alors que c'est une personne chaste on ne peut pas affirmer que la personne a fait le zina, puis il est pas, il sera pas dispensé des 80 coups de fouet pour ça. Naam. Et le cheikh, il répond après, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus de science pour ses serviteurs, et il est plus miséricordieux pour ses serviteurs que eux-mêmes. Et malgré tout, il a établi, il a jugé qu'il faut établir la peine sur ceux qui lancent les accusations contre des gens, des femmes ou des hommes chastes, s'ils n'amènent pas quatre témoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient et le sage dans sa législation. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait repousser la peine de Al-Qadf, d'avoir lancé des accusations, autre que ce qu'on a mentionné comme quatre témoins dans le Coran, ou dans la révélation de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, eh bien, on l'aurait connu, on l'aurait su. Et ton Seigneur n'oublie pas. Ton Seigneur, s'il n'a pas mentionné quelque chose, c'est pas par oubli. Donc, il n'y a rien qui lui échappe. Et il dit, toute personne qui a une compréhension de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa sagesse, il comprend qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'appliquer la peine sur les gens qui lancent des fausses accusations, et que ça vient enrayer complètement les rumeurs de turpitude et les accusations fausses qui sont lancées contre les gens. Et tout ça, c'est dans le but de préserver l'honneur et la dignité, et protéger la moralité de la personne, son intégrité, et fermer la porte à des fausses rumeurs et des accusations mensongères qui pourraient être lancées contre les gens. Et il dit que à cause du grand danger qu'il y a dans cette chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté moins que quatre témoins. Il n'a pas accepté moins que quatre témoins parmi des témoins réels qui sont là et qui voient avec leurs yeux. Et il est le sage, il est l'omniscient et le sage. Donc il faut se restreindre, se limiter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la charia à ce sujet-là. Le seul cas d'exception dans ça, c'est le cas de l'homme qui est marié avec une femme, puis qui rentre chez lui, qui la trouve avec un homme en train de faire le zina. Et ça, c'est dans ce cas-là. C'est arrivé à un des compagnons à l'époque. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que je fais si je rentre chez moi puis je trouve un homme avec ma femme? Il a dit, est-ce que tu as quatre témoins? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il y a quatre témoins? Et l'homme a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, est-ce que si quelqu'un d'entre nous trouve sa femme avec un homme, est-ce qu'il va aller comme chercher quatre témoins? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il a révélé un verset à ce sujet-là. C'est le verset 6 et 7 et 8 dans Surat Al-Nur, dans Surat Al-Nur, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَأْتُوا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Donc ça veut dire quoi, ces versets-là? Ça veut dire, et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le témoignage de l'un d'eux doit être quadruple. il doit témoigner quatre fois. Hein? Il témoigne quatre fois qu'eux-mêmes. Il témoigne quatre fois attestation par Allah, donc il jure par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et il jure encore une cinquième fois que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et si elle, par la suite, elle jure elle aussi, hein, il dit on ne lui affligera pas. On ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste quatre fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Donc elle va jurer par la suite. Si elle jure quatre fois par Allah que son mari est du nombre des menteurs, et le cinquième est que la colère d'Allah soit sur elle, s'il était du nombre des véridiques. Dans ce cas-là, on ne va pas la lapider. Si elle jure que quatre fois que son mari est menteur et que yani son mari est du nombre des menteurs. Le cinquième fois, elle va dire que la colère d'Allah soit sur elle s'il est du nombre des véridiques. Dans ce cas-là, ils vont être séparés. Hein, l'homme et la femme. Et ils vont être divorcés, séparés. On va pas la lapider, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui ment. Hein? C'est dans ce cas-là. Parce que lui, il jure qu'il est des véridiques. Hein? Et que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Puis elle jure par Allah qu'il est du nombre des menteurs. Hein? Et que la colère d'Allah soit sur elle s'il est du nombre des véridiques. Donc ça veut dire qu'il y en a, si les deux jurent comme ça, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a menti. Surat An-Nur. Ouais. Versets 6 à 8. Mais c'est ça, elle n'a pas été lapidée. Et lui, il a été séparé d'elle. Donc les deux ont été séparés, c'est comme ça. Dans le cas où elle n'aurait pas juré, là, c'est sûr qu'elle allait être reconnue coupable dans ce cas-là. Mais ça, c'est seulement dans le cas où c'est le mari qui témoigne contre sa propre femme. D'accord? Et comme on dit, on discutait, moi et le frère Alain, avant le Dars, et puis on expliquait justement, on discutait de ça, c'est que dans les sociétés non musulmanes, les gens, ils prennent pas de précautions par rapport au viol, par rapport au zina, par rapport à ces choses-là. Et dans leur loi, c'est écrit que tout homme ou femme consentante, hein, deux hommes ou deux femmes ou deux adultes qui sont consentants, ils ont le droit, hein, de faire ce qu'ils veulent, de faire le zina ou de faire quoi que ce soit. Et il n'y a pas de punition pour eux s'ils le font. La seule punition, c'est s'il y a un cas de viol. Dans la société des kuffar, qu'est-ce qui est interdit? C'est seulement les cas de viol. Et en réalité, les cas de viol chez eux ne sont pas punis sévèrement, vraiment. Ils vont donner à la personne quelques années de prison et puis c'est fini. Hein? Alors que, en réalité, dans l'islam, y a pas cette porte-là, elle n'est pas aussi simple que ça, pas aussi ouverte que ça, parce que dans l'islam, on sait qu'un homme et une femme, ils n'ont pas le droit d'être isolés dans une place fermée, hein, seuls. Et que la femme, déjà, elle doit se voiler, hein, quand elle sort. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été établies dans la charia de l'islam pour fermer toutes les portes à la fornication et à l'adultère et à ce que des hommes et des femmes non mariés puissent justement se rencontrer puis se fréquenter ou des choses de ce genre. Maintenant, chez les koufars, eux, par contre, eux, ils ouvrent toutes les portes et tout est permis. Le problème là-dedans, c'est que quand ils commencent même à faire des choses haram, si la femme, en plein milieu, elle décide de dire non, ça y est, je veux plus, j'arrête, puis que l'homme il continue, ils vont dire ça, c'est un viol. Hein? Donc, ils ont tout permis, toutes les choses, puis à la dernière minute, la femme, comme ça, un changement elle change d'idée, elle dit ah bon là ça me tente plus, bon ça y est c'est fini. Là si l'homme il continue, il va dire ah bon là lui c'est un violeur, Alors qu'au début, elle était d'accord, consentante. Donc tout ça, c'est pour dire que dans l'islam, il n'y a pas cette porte, elle n'est pas ouverte, elle est fermée depuis le début. Hein? Et il n'y a pas toute cette permissivité, puis toute cette facilité d'accéder à ce qui est haram. Hein? Les portes sont fermées pour ça. Et c'est pour ça qu'on voit que dans l'islam, il y a une grande importance et une grande signification à la valeur de l'honneur de l'homme et la valeur de l'honneur de la femme. Hein? Tandis que pour les koufars, cet honneur-là, elle n'existe pas. Ça n'existe pas chez eux, dans leur société, dans leur mentalité, dans leur mœurs. Peut-être que chez certains d'entre eux, oui, mais dans leur loi, en tout cas, dans la plupart de chez eux, non, ça n'existe plus, ces choses-là. Même si dans le passé, ça existait pour certains, et ça existait un peu plus, mais plus maintenant. Hein? Donc, ça c'est juste pour faire un commentaire par rapport à ça. On va essayer de lire un petit passage encore de qu'est-ce que le cheikh a dit sur ce sujet-là par rapport au hadith qu'on a lu hier à propos des sept moubiqat. On a expliqué qu'il y a un hadith qui mentionne les sept grands péchés qui amènent l'homme à sa perte. Et parmi ces sept-là, le premier c'est ash-shirku billah. Donc on va parler de ça aujourd'hui, Inch'Allah. Parce que le cheikh, il les explique tous un par un. Et ce hadith-là, on l'a déjà expliqué au début. Et si c'est autre que les... À propos de ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est seulement à propos du mari et de la femme que la personne peut être excusée d'avoir accusé sa femme de zina sans avoir... quatre témoins. Sinon, toute autre personne, autre que le mari, s'il accuse quelqu'un de zina, il doit produire quatre témoins, sinon il sera puni, s'il n'a pas quatre témoins. Là, dans le hadith, au début, il disait, tu dois amener quatre témoins. Puis après, il a dit au messager d'Allah, comment un homme va amener quatre témoins? Alors c'est là que Ayatul Li'an est descendu. Yani, nazalat Ayatul Li'an fi hadha. Le cheikh il dit ensuite والسبع المبيقات وهي أولا الشرك بالله فهو أكبر الكبائر وهو أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك كالاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والذبح لهم وغير ذلك ولو سمي بغير اسمه كما يسمونه الآن بالتوسل وأنه من باب محبة الصالحين وغير ذلك من التسميات الباطلة فمهما سمي هذا التوسل بأسماء مختلفة فهو شرك وهو من أكبر الكبائر لا يغفره الله إلا بالتوبة. Donc le cheikh il explique que parmi les sept grands péchés qui amènent à la perte l'homme, le premier c'est le shirk, qui est le plus grand de tous les péchés. Et le cheikh il dit, c'est de mettre avec Allah un égal dans l'adoration, alors que c'est Allah qui t'a créé seul. Toi tu lui donnes un partenaire ou un égal dans l'adoration. Quand tu appelles au secours dans les moments de détresse, au lieu d'appeler Allah seul, tu invoques les morts, tu invoques les hommes pieux, les saints, tu les appelles à l'aide, hein. Ou bien tu sacrifies des animaux pour eux, tu leur fais des offrandes ou des choses de ce genre. Même peu importe le nom que les gens vont donner à ça. Il y en a qui vont essayer de justifier ou de rendre acceptable le shirk en l'appelant par un autre nom. Comme par exemple, ils vont l'appeler parfois at-tawassul. Ils vont dire non, ça c'est pas du shirk, hein, c'est du tawassul. Alors qu'en réalité, c'est du shirk. Ou bien ils vont l'appeler c'est de l'amour, c'est parce que j'aime les hommes pieux, c'est par respect par les hommes pieux, et d'autres noms comme ça. C'est des appellations qui sont fausses. Donc peu importe comment on appelle le tawassul, qu'on l'appelle tawassul ou qu'on l'appelle un autre nom parmi les noms qui ont été ramenés pour essayer de faire justifier le shirk, eh bien ça reste ça restera toujours du shirk. Et le shaykh il dit wa huwa min akbar al kaba'ir wa la yaghfiruhu Allah illa bit tawba. Et c'est le plus grand de tous les grands péchés et Allah il va pas le pardonner à quelqu'un excepté s'il se repent avant la mort. S'il s'est repenti du shirk avant la mort et qu'il a accepté l'islam, dans ce cas-là, il sera pardonné. Hein? Il sera musulman. Tandis que, il dit le cheikh, « وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ عَلَيْهِ كَانَ مُخَلَّدًا فِي النَّارِ قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بل هو أعظم أنواع الظلم قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلو أن الإنسان كان مصليا ليلا ونهارا وصائما ومؤديا للفرائض ومجاهدا في سبيل الله إلا أنه يشرك مع الله في عبادته لأحبط الله عمله ولكانت أعماله هباء منثورا. Donc le cheikh il dit lorsque la personne elle se repent avant la mort d'avoir commis le shirk, Allah va lui pardonner, hein, si elle revient à l'islam. Mais si la personne, hein, soit qu'elle revient à l'islam si elle était musulmane, ou soit qu'elle elle accepte l'islam en devenant musulmane, elle rejette le shirk qu'elle faisait, elle se repent du shirk, dans ce cas-là, Allah va lui pardonner. Mais si la personne meurt en commettant le shirk, hein, et elle ne se repent pas avant de mourir, elle ne se repent pas du shirk qu'elle commettait, elle sera dans ce cas-là éternellement en enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 48 dans Sourate An-Nisa, Allah certes ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, hein, qu'on associe avec lui dans l'adoration, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre que le shirk. Hein? Et il dit dans un autre verset, certes, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui interdire le paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Donc ça, c'est le verset 72 dans Sourate Al-Ma'idah. Donc le shaykh, il dit que le shirk, c'est la plus grande injustice. Hein? C'est la plus grande forme d'injustice qui soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 65, dans Sourate Az-Zumar, « Et nous avons certes révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui étaient envoyés avant toi parmi les prophètes, que si tu commets le shirk ou si tu fais du shirk, tes œuvres seront annulées, seront rendues vaines, et tu seras certes du nombre des perdants. » Donc si quelqu'un parmi les hommes priait jour et nuit, et qu'il faisait le jeûne, et qu'il donnait... Hein, et qu'il respectait tous les actes d'obligation et qu'il faisait le jihad fi sabilillah, mais qu'il commettait le shirk avec Allah dans son adoration, Allah aurait rendu toutes ses œuvres vaines, hein, et toutes ses actions ses bonnes œuvres qu'il aurait fait seraient comme de la poussière éparpillée par le vent au jour de la résurrection. Donc le cheikh il dit فانظر هذا الخطاب الوارد في الآية فسترى أنه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا لحبط عملهم وصاروا من الخاسرين فكيف بغيرهم وهذا يبين مدى خطورة الشرك وأنه لا ينفع معه عمل عند الله سبحانه وتعالى حتى لو كان الإنسان مصليا وصائما ومنفقا فإن أعماله باطلة لأنها لم تؤسس على أصل وهو التوحيد ولذلك صار الشرك أعظم المبيقات وهو أعظم ما نهي عنه ومن هنا يجب الاهتمام بأمور العقيدة ومعرفة ما يجب في حق الله وما لا يجوز ومعرفة الشرك وأنواعه لكي يجتنب فكيف يجتنب المسلم ما لا يعلمه فالبعض يقول إن الشرك هو أن تعتقد أن هناك من يخلق ويدبر مع الله نقول نعم هذا شرك في الربوبية وأكثر المشركين لا يقولون به وهذا قليل في وقوعه في العالم ف فأكثر المشركين يوحدون الله توحيد الربوبية وإذا سألتهم من خلقهم فسيقولون الله وفي هذا يقول سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهؤلاء لم يقولوا إن هناك من يدبر الأمور من الله مع الله سواء كان في الأولياء والصالحين أو الأولياء أو الأصنام وهم يعترفون بهذا يعني بتوحيد الربوبية وإنما يخالفون في توحيد الألوهية توحيد العبادة. Donc le Cheikh, on va expliquer ça. Le Cheikh il dit regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, tu vois que même les prophètes, s'ils auraient commis du shirk, Allah aurait rendu leurs œuvres vaines et ils seraient comptés parmi les perdants. Alors que dire des autres hein, qui sont moindres que les prophètes? Et ça nous clarifie que hein, on peut comprendre par cela que le shirk c'est très dangereux et que lorsque quelqu'un a commis le shirk, hein, eh bien toutes ses œuvres ne pourront pas lui profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'homme en question ou la personne en question faisait la salat, faisait le jeûne, donnait en aumône des charités, faisait toutes les bonnes œuvres, toutes ces œuvres auraient été considérées vaines parce qu'elles n'ont pas été établies sur la base du tawhid. Et c'est pour ça que le shirk est le plus grand de tous les péchés qu'on appelle les mubiqat, les grands péchés, parmi les grands péchés. Et il dit que c'est la plus grande chose qui nous a été interdite de faire. Et donc, il faut donner à cela une grande importance aux questions qui sont reliées à la aqida, à la croyance islamique, et de connaître ce qui est obligatoire vis-à-vis des droits d'Allah et ce qui n'est pas permis, et de connaître le shirk et ses différentes sortes et ses différentes catégories pour qu'on puisse s'en écarter. Sinon, comment le musulman peut s'écarter de ce qu'il ne connaît pas ? Hein ? Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le shirk, c'est facile de le faire, c'est facile de tomber dedans. Et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre. Et le cheikh il dit, certaines personnes disent, le shirk c'est de croire qu'il y a un créateur qui contrôle l'univers avec Allah. Le cheikh il dit, oui ça c'est du shirk, mais c'est du shirk dans la rububiyya. Et la plupart des mushrikines, ils disaient pas ce genre de choses. Ils faisaient pas de shirk dans la rububiyya. Et c'est quelque chose qui se produit très rarement de la part de quelqu'un, même parmi les mushrikines, de dire qu'il y a quelqu'un dans l'univers qui contrôle avec Allah. Hein? Donc, il dit la plupart des mushrikines, ils unifient Allah, ils croient au tawhid d'Allah dans la rububiyya. Si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire c'est Allah. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, dans Surat Yunus, le verset 31, dit « Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant ?» ou la mort du vivant, et qui contrôle toute l'affaire, et ils diront Allah. Donc c'est pour dire que ces idolâtres, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même eux, ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul maître, le seul créateur, le seul qui donne la subsistance. Hein? Ils ne disaient pas qu'il y avait des saints ou des hommes pieux ou des idoles qui peuvent créer avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui contrôlent quoi que ce soit avec Allah. Donc ils reconnaissaient la rububiyya, le tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la création. Mais ils faisaient le shirk dans l'adoration, le tawhid al-uluhiyya, le tawhid al-ibada. Et il dit « وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ وَلَكِنْ لَا يَنْفَعُ أَنْ يُقِرَّ الْعَبْدِ بِتَوْحِدَ الرُّبُوبِيَّ دُونَ تَوْحِدَ الْأُلُوهِيَّ وَلِذَلِكَ جَاءَتِ الرُّسُلُ تدعو إلى توحيد الألوهية وتجاهد من أنكره والذي يقول إن الشرك هو أن تعتقد أن واحد أن أحدا يدبر الخلق أو يدبر ويخلق مع الله أو ينفع أو يضر نقول له إن هذا كلام باطل لم يقله أهل الجاهلية قط فهؤلاء كانوا إذا نهوا عن عبادة القبور والأولياء قالوا نحن نعلم أن الأموات لا ينفعون ولا يضرون ولكننا نتخذهم وسائل بيننا وبين الله، أي هم يدعونهم ويستغيثون بهم ويشفعوا لهم ليشفعوا لهم عند الله. ولهذا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعترفون أنهم لا يضرون لا يضرونهم ولا ينفعونهم، وإنما حجتهم أنهم شفعاء عند لهم عند الله ووسيلة عنده سبحانه وتعالى، ويسمون هذا توسلا ويقولون ليس شركا. سبحان الله. Donc le cheikh il dit donc ça le shirk dans l'adoration, c'est là-dessus que les prophètes ont eu des conflits avec leur nation et avec leur peuple. Et donc il dit ça ne sert à rien de respecter ou de croire en le tawhid dans la seigneurie si tu n'as pas établi et affirmé l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est pour ça que les messagers sont venus appeler leur peuple à l'unicité d'Allah dans l'adoration et qu'ils ont combattu ceux d'entre leur peuple qui ont refusé de l'accepter. Et il dit que celui qui dit par exemple le shirk, c'est de croire que il y a quelqu'un qui contrôle le monde ou qui crée avec Allah ou qui peut profiter ou nuire avec Allah, et que si tu ne crois pas en ça, donc tu ne commets pas de shirk. Et le shirk, il dit que ça c'est une parole qui est fausse, et il n'y a personne parmi les gens de la jahiliya qui disait ça. Regarde, le shirk, il dit lorsque tu interdisais les adorateurs de tombes, lorsque tu interdis les adorateurs de tombes et les adorateurs de saints, tu leur dis de cesser d'adorer les morts. Ils disent, on sait que les morts, ils ne peuvent pas nous profiter ni nous nuire, mais on les prend comme des moyens pour atteindre Allah, ou des intermédiaires entre nous et Allah. Et c'est-à-dire que pour eux, ils disent, on les invoque et on les appelle au secours pour que eux intercèdent auprès d'Allah pour nous. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18, dans Sourate Yunus, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas leur nuire, et ils ne peuvent pas leur profiter, et il dit leur seul argument, c'est de dire qu'ils sont des intermédiaires pour eux auprès d'Allah, et un moyen pour eux pour atteindre Allah. Et ils appellent cela quoi? Tawassul. Alors qu'en réalité, c'est du shirk. Donc on va s'arrêter ici pour cette explication-là. C'est ce qui vient clarifier donc le premier parmi les sept grands péchés, parmi les mubiqat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith. C'est ash-shirku billah. Donc on continuera. Comme je disais hier, mubiqa, c'est un péché qui t'amène à ta perte. Al-mubiqat, yani al-muhlikat. Ok? Les péchés qui t'amènent à ta perte. In the hadith? Non. Exactly, non. Sahih, barakallahu fik. Donc, la semaine prochaine, on va continuer l'explication du hadith. Et le sheikh, il explique les sept, un après l'autre. Donc après on reviendra au dernier qui est قذف المحصنات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Et après la salat on va faire le dars de al amru bil uzum al jamaa inshallah.